Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif pour cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures, nous allons entendre Kino d'Angleterre, Ecolin des États-Unis, David Cross et David Jackson d'Angleterre, The Blank Page de Suède, Rausch d'Allemagne, Carpe Nota des États-Unis, La Conscienza di Zeno d'Italie, Beatrix Players d'Angleterre, Anders Boas de Finlande et on va conclure avec Orpheus 9 des États-Unis. Alors, comme à l'habitude, nous avons le premier bloc de l'émission qui est consacré à l'album de la semaine et nous avons cette semaine l'album du groupe Kino d'Angleterre. L'album s'intitule Radio Voltaire. C'est le deuxième album de ce groupe-là, le premier qui est apparu en 2005. Et c'est un groupe qui est formé de quatre musiciens qui sont d'horizons différents. Entre autres, il y a John Mitchell qui a un projet parallèle, le guitariste, chanteur, qui a un projet parallèle avec Lonely Robot. On le connaît aussi pour son implication dans It Bites. On a le bassiste de Marillion, Pete Trewavas. On a aussi le batteur de Steven Wilson, son batteur attitré, Craig Blundell. Et le groupe est complété par le claviériste John Beck de It Bites. Alors, ce Radio Voltaire, qui est l'album qui est paru il y a quelques semaines, c'est un album qui comprend 15 pièces. Et puis, ça totalise un généreux 71 minutes. Alors, de ces 15 pièces-là, moi, je vous en propose 6. Dont la première qui est la pièce titre de l'album. Alors, on débute ça avec Kino. Step right. Rock and roll. So welcome to the dead club. and it takes its toll. It's only rock and roll. Hours and hours gazing up high and bursting through clouds, an ancient refrain, this green and pleasant sight, through passages and dreams and corridors of light, we chase the bright steeple in our minds on hazy days, the sadness in the absence for the one that got away. The memory is sepia on the obelisk of hills, and butterflies slow motion on earthly windowsills. This reason skywards, we are one, as deep as velvet covers all. In warmth of the Whitehall ordered last goodbyes. Lest we forget, so often said, yet passion now still painted red. How slowly time flies in deadlock, no facing back. Stop the clocks, they watch below the silent flight to the jaws of hopeless plight. With 7:50 in the sky, a real means to justify. How soon forgotten was Versailles, to keep again a weather eye. Should we sing the Marseillaise? If ignorance is bliss, who says? With freedom comes the price to pay. 2:40 on the day. On Falaise Fields, we took his life. Brave Amon 35. Just watch it. this iconic age. You're working off the page. So then we raise a fist. Demonic narcissist. And if you get too old, you'll have to self-implode. We call you dangerous. Moronic cagelessness. But when it takes its toll, it's only rock and roll. So welcome to the Death Club. Welcome to the Death Club. You better bite down hard and do your la-di-da. Cause when you sell despair, it's all they really care. So make yourself exempt and treat us with contempt. Why are you in denial? You're from the golden mile. We call you dangerous. Moronic cagelessness. But when it takes its toll, it's only rock and roll. So welcome to the Death Club. Fairest of them all. And ladies, please don't despair. This rock cliche, it seems, is gay. Takes his toll. It's only rock and roll. So welcome to the Death Club. Welcome to the Death Club. C'était la formation britannique Kino et 6 extraits de leur plus récent album Radio Voltaire. Alors après la pause, Ecolin, David Cross et David Jackson et The Blank Page. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. On va débuter le deuxième bloc avec une formation américaine du nom de Ecolin. C'est un groupe qui a été actif dans les années 90. En fait, leur premier album est paru en 1991. Et puis, 9 albums plus tard, on se ramasse en 2015. Et c'est un groupe qui est dans la cuvée là, des Pendragon, Arena, Palace et bien d'autres de ces années-là, Marillion aussi. Alors, c'est le groupe phare, un des groupes phares des années 90. Et ce qu'on va entendre, bien, c'est un extrait de leur 4e album, ou plutôt de leur 5e album, Cowboy Poems Free. Et la pièce, c'est High as Pride. Et on a une nouveauté du côté britannique avec David Cross et David Jackson. David Cross, qu'on a connu comme violoniste de King Crimson, et David Jackson, je pense qu'il se passe de présentation, mais pour ceux qui ne sont pas au courant de l'historique de rock progressif, David Jackson, c'est le saxophoniste de Van der Graaf Generator, qu'on a connu, en tout cas pour ma part, dans les années 70. Alors, ça sera qu'on conclura le bloc avec une nouvelle formation suédoise et un extrait de leur premier album. Le groupe s'appelle The Blank Page et l'album EP qui vient de sortir, mais c'est Desolate et on va entendre la pièce titre. Alors, on débute ça avec Ecolin. We had crossed our lines and dug in on fields that once were green, rushing and falling, our conscience in our ears. Won the war and floated high as pride can climb, home across the ocean to find all our gods were dead. The caves into which we hide. Mary's glory and the light of such a day. gave me all I had, embraced me and forgave. Still I couldn't see, still I couldn't see. Stood there by my side in times when I denied. Still I couldn't see, still I couldn't see. Saw the best in me, prepared to set me free. Still I couldn't see, still I couldn't see. You taught me to believe in what I could achieve. Still I couldn't see, still I couldn't see. But I see now, I see now. Yes, I see now, I see now. Who am I if I take but never give? Heaven can't forgive, but never live. Who am I if I take but never give? Heaven can't forgive, breathe but never live. Who am I if I walk but never see? Never think before I speak. And can I make c'était la formation suédoise de Blank Page et la pièce titre de Desolate, l'album, le seul album qu'ils ont fait paraître il y a quelques mois. Et auparavant, nous avions la nouveauté de David Cross et David Jackson. David Cross, le violoniste de King Crimson, et David Jackson, le saxophoniste de Van der Graaf Generator. Ils ont sorti un album il y a quelques semaines et l'album s'intitule Another Day. Et la pièce « Come Again ». Et en début de bloc, nous avions Equaline, la formation américaine, avec « High as Pride » tiré de « Cowboy Poems Free ». Je rappelle aux auditeurs que si vous voulez retracer les pièces, les titres des pièces et les noms des artistes qui ont passé l'émission, eh bien, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission « Rock de Neurones ». Alors après la pause, Roche d'Allemagne, Carpe Nota des États-Unis et la Concienza di Zeno d'Italie. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici rendus au troisième bloc de l'émission et on va débuter avec une formation allemande, c'est Rausch, et ils viennent de faire sortir cette nouveauté, là. Ils viennent de faire sortir leur deuxième album qui s'intitule Book 2. Et on va entendre Slow Sweet. Et ensuite, c'est un groupe américain qui est passé comme une étoile filante dans le firmament du rock progressif. Un album en 2012. C'est, le groupe, c'est Carpe Nota. Et on va entendre Thoracic Park, la pièce titre. En fait, non, la pièce de l'album éponyme, Carpe Nota. Et pour conclure, bien, on a la formation italienne La Coscienza di Zeno qui vient de faire paraître un album live. C'est un peu... en fait, ils ont trois albums studio en 2011, 2013 et 2015. Et puis là, ils se promènent avec le spectacle Il Giro del Capio. Alors, on va entendre Nei Cerchi del Logno. Et ça, c'est paru il y a quelques semaines. Alors, on débute ça avec Rausch. If you let it become a song, you will be fine. I hate most of my friends most of the time. Oftentimes it's best done by yourself. But isolation hurts like bloody hell. Competition drives the human race. It hurts me when you sell a straight, deceptive face. You could have been something, but you're a waste. I'm no hypocrite, but I am stuck here. If I disappear from the world, I'll buy some time to come back fresh once again, bask in the grime, polish off what's sacred, forget the rest. Trick the mind with most things, just forget. Here I go, I'm gonna put up walls. I'll compete no more, I'm bowing out. The game was never made with me in mind. Now I get my role, you win, I'll stay behind. We are animals just like the lion, born to live with others, but created from a complicated design. Thank you. Alors, ce qu'on venait d'entendre, ça nous vient d'Italie, c'est la Concienza di Zeno avec la pièce Nei Cerchi dei Legno. Ça, c'est tiré de leur album live Il Giro del Capio qui est paru en février. Et auparavant, nous avions Carpe Nota, un groupe des États-Unis avec la pièce Thoracic Park. Et c'est extrait de l'album éponyme Carpe Nota. Et en début de bloc, nous avions la formation allemande Rausch et la pièce Slow Sweet tirée de Book 2. Après la pause, Beatrix Players d'Angleterre, Anders Boas de Finlande et Orpheus Nine des États-Unis. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission de cette semaine et on va débuter avec Beatrix Players. C'est un groupe de jeunes musiciennes britanniques. Elles viennent de lancer leur premier album qui s'appelle Magnified et on va entendre Lady of the Lake. Et ça va être suivi d'un guitariste de Finlande qui s'appelle Anders Buas. C'est son premier album. L'album s'intitule The Witches of Finnmark et on va entendre la pièce titre. Et on va conclure avec un groupe c'est-à-dire américain, Orpheus Nine, qui ont un seul album qui est paru en 2017. C'est l'album s'intitule Transcendental Circus et la pièce c'est The Fall of the House of Keys. Alors on débute ça avec Beatrix Players. Thank you. child is born with visions of creation. He buries seeds of dreams beneath his bed. Alone at night, he hears the orchestration. A house of keys constructed in his head. Of the world confound him. He craves the boundless music in his mind. Piano scales and melodies surround him. He grows obsessed and leaves all else behind. Thank you. jarring notes are painful to his senses. Much older now, his life has dealt its hand. He knows his childhood dreams were weak pretenses. But does this mean he has to understand? C'était Orpheus Nine, un groupe des États-Unis avec la pièce The Fall of the House of Keys. Ça, c'est extrait de Transcendental Circus. C'est paru en 2017. C'est le seul album du groupe à date. Et je peux vous dire que les 75 minutes de cet album-là sont uniformes, cohérentes et consistantes en termes de qualité. Et ça a été précédé par Anders Buas de Finlande et on a entendu la pièce titre de l'album The Witches of Finnmark. Encore une fois, c'est le premier album de ce guitariste-là. Et en début de bloc, nous avions aussi le premier album d'un groupe féminin d'Angleterre, c'est Beatrix Players. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Lady of the Lake, tirée de l'album Magnified. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette 189e émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est toujours sur les zones de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et si vous voulez écouter l'émission en rediffusion sur Internet, eh bien, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Et sur cette page-là, vous allez trouver un lien vers SoundCloud. Et SoundCloud, eh bien, c'est la rediffusion de l'émission en cours de cette semaine. Et sur la même page Facebook, eh bien, vous allez trouver un lien sur archive.org. Ça vous amène au 115 ou 120 émissions archivées. Et en plus, vous allez avoir sur la page Facebook toutes les. En fait, la feuille de route qui contient les pièces, les albums, puis les noms des artistes qui ont passé durant l'émission. Et aussi sur cette page, bien, je vous amènerai consulter certaines chroniques que j'ai écrites sur au bénéfice du site Profil de Québec. Alors, j'espère que vous avez aimé l'émission et je vous invite à vous joindre à nous. C'est Jimmy Farley qui est votre animateur, qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une prochaine émission de Rock de Neurones.